tant pis pour moi. Hier je me suis couché pas trop tôt, c'était pas à cause du boulot. Concert Jean-Michel, tant pis pour moi. En partant j'ai perdu mes clés, je sais même plus où je me suis garé. Comment je vais faire, tant pis pour moi. Et pour sa direction les quais.